t'avais tous, les temps ne seront plus les mêmes. Les morceaux de rap n'ont plus les mêmes thèmes. Vous me voyez grandir à toute vitesse, arriver avec des chiens en laisse. Armé de mon papier, de mon crayon devant moi, mes ennemis tomberont. Je passe et je laisse ma trace, mon finot, mon blase, ou à mon nom dans paysage. Je rapplique, je prends, je parle, je pratique ce qui est ma vie. Je rap hardcore, mon oxygène, dans le quartier, je me promène. Armé de mes rimes, je vois le boss, je demande une prime. Il veut pas, alors je prends son âme, je suis un tueur au micro. Je suis là pour tous vous représenter, mon finot. Je t'accroche au barreau, je t'envoie mes lyriques pour que tu comprennes que ta vie, je la nique. Déteste tous ces blaireaux qui croient qu'ils sortent du ghetto. Alors moi et mes potos, on les attache au barreau pour qu'ils fassent moins les beaux et qu'ils comprennent qui c'est X Nico. Yo, ouais, moi c'est X, tête à tête on se fixe, je représente le rap. Et toi cette crème qui voudrait qu'on se frappe, crève, tous unis, bref, on survit. C'est dur quand tu vois qu'autour de toi, les bourgeois ont juste à claquer des doigts. Et c'est bon, des billets, assez pour qu'ils se noient. C'est injuste que tous ces gadgets ont le pouvoir, et qu'ils diffusent leurs conneries et leur avenir noir. Mais nous mec, on est la rébellion, tu te dis ah bon, écoute nos chants de guerre, la DL chaud, comme guerrier mes frères, prépare-toi ça va chaud, fait, oui on est bien deux, y'a pas de reflet, c'est X Nico et Morfino, on est là pour tous ces gadgets qui croient y toucher le haut, alors qu'ils sont encore en dessous du niveau, de n'importe qui sur terre qui aurait un cerveau. Déteste tous ces blaireaux qui croient qu'ils sortent du ghetto. Alors moi et mes potos, on les attache au barreau pour qu'ils fassent moins les beaux et qu'ils comprennent qui c'est Morfino. Viens faire un tour chez moi, je te montrerai d'où je sors tout ça. Je te montrerai comment je vis, parce que toi t'as bien l'air d'un riche salope en constat. Viens voir, je t'éclate crevard, roule-toi par terre avec ton cigare. Moi j'écris ce que je ressens et je m'en bats les couilles de m'emporter à cause de vous, 3 ou 4 PD. Écoute ma voix, est-ce que t'entends cette haine contre toi, ces putains de bénéfices et ces salopes à l'EDF. Fred, excuse pour les conneries, il n'y a que dans ça que je m'épanouis. Quand on rentre dans votre usine, on mériterait de passer dans les magazines. C'est spécial, comme on vous prendra coup de balle. Et comme sûrement pour ton écolage, ton usine, je suis prêt à la faire sauter. Et tu ferais mieux de t'en rappeler. Déteste tous ces blaireaux qui croient qu'ils sortent du ghetto. Alors moi et mes potos, on les attache au barreau pour qu'ils fassent moins les beaux et qu'ils comprennent qui c'est X Nico. Poil riche, t'épargne pas, j't'ai déjà cité deux ou trois fois. Appelle tes gardes du corps, mais je suis leur mentor. Vas-y, cours, j'ai passé mon tour. Ne cherche pas, les portes de la vérité sont fermées. Et tu vois la jeunesse qui suit l'exemple. La communauté devient plus ample. Fais gaffe, tu en faudrait peut-être que je te crève. Et c'est là que ta vie s'achève. Tu me vois, mais tu es paralysé. T'as enfin compris qui j'étais. Morfino, le mec, il va t'enchaîner. Est-ce que ça y est, t'es prêt? Écoute bien, riche, ta femme, c'est la banque. Et là, je te jure, tu vas banquer. Ta vie sera changée. T'as enfin goûté à ma voix, tu ne peux plus t'en passer. De talent, mon art, c'est mieux que ta boue qui dise rien. N'aie pas peur, je suis l'un des meilleurs, prêt à éclater les affaires. Ne cherche pas, tu ne peux rien faire devant un mec de mon quartier. Est-ce que tu entends la foule, ma poule? Elle m'acclame pour que je te crame. Elle veut que je t'affasse en mollet, toi et ta putain d'âme. Déteste tous ces blaireaux qui croient qu'ils sortent du ghetto. Alors moi et mes potos, on les attache au barreau pour qu'ils fassent moins les beaux et qu'ils comprennent qui c'est Morfino. Déteste tous ces blaireaux qui croient qu'ils sortent du ghetto. Alors moi et mes potos, on les attache au barreaux pour qu'ils fassent moins les mots et qu'ils comprennent qui c'est X Nico.